comment monsieur le procureur? En fait, il y a le père. Bah alors, bienvenue, hein, merci hein, d'être présent pour la deuxième séance du séminaire DISPO qui s'organise entre l'Université Antiguyane et le CRPLC en Martinique et l'Université Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq, Lille. Et donc voilà, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Harry Gordien, qui est doctorant en anthropologie à l'Université Paris 5, qui est à terre à l'Université Paris 8, qui présentera Paris lui-même 5 à Paris 5 aussi. Ah oui, Paris 5 aussi, voilà, c'est ça. Ah, je crois que tu étais à terre à Paris 8, je veux te mettre à Paris oui, 8 à depuis Paris 8. Un moment. et donc, Harry va présenter dans un instant sa recherche. Il est l'auteur d'un article qui est paru dans la revue du réseau scientifique Terra, la revue Asilon, Guadeloupe, l'après LKP, anticolonialisme, identité et vie quotidienne. Donc, c'est un article dont on mettra les références sur le site de DISPO. Aujourd'hui, Harry Gordien va nous parler, va nous présenter une communication intitulée « Penser la race et penser de la race en Guadeloupe ». Donc voilà, je pense qu'on aura tout un tas d'enjeux de définition sur le terrain, etc. Et l'idée du séminaire, encore une fois, c'est de présenter des travaux qui sont des travaux et des réflexions en cours et de pouvoir justement, par la discussion transatlantique, avancer, progresser tout en se connaissant un petit peu mieux, hein, tous les chercheurs qui travaillent sur les espaces dits outre-mer. Donc je vais donner la parole à Harry Gordien qui va voilà, se présenter un petit peu mieux que je ne l'ai fait, puis on va passer à la communication avant d'engager la discussion collective avec les questions de part et d'autre de l'Atlantique. Ok, ben, merci beaucoup Audrey pour cette présentation et pour l'invitation, parce que je sais que tu n'as pas forcément beaucoup de temps et tu as pris de ce temps nécessaire pour organiser le séminaire. Donc merci à toi et merci à vous d'être ici de la Martinique. Ça me fait énormément plaisir de discuter avec les personnes issues de la Martinique où j'aimerais beaucoup faire du terrain dans un avenir que j'espère proche. Alors, ben, comme Audrey l'a dit, je suis doctorant à Paris Descartes, donc Paris 5, et à terre dans cette même université. Et je m'intéresse à, on va dire, la conscience communautaire, l'existence de conscience communautaire en Guadeloupe, avec tous les problèmes que ça peut poser. Et ça me fait rire, puisqu'il y a un anthropologue américain qui a travaillé sur la Martinique. Je vais traduire le titre de son ouvrage, il s'appelle David Murray. C'est l'opacité, la race, l'ethnie, le genre, la sexualité et le problème, entre guillemets, de l'identité en Martinique. Le titre en anglais, je l'ai traduit pas forcément dans l'ordre, mais ce sont les mots qui apparaissent dans le titre. Et le fait qu'il ait mis le problème, entre guillemets, de l'identité, j'ai trouvé ça assez intéressant et ça me donne envie de reprendre en fait l'expression « problème de l'identité en Guadeloupe ». Donc ça, c'est le propos général de ma thèse. J'essaie de savoir de quelle manière les Guadeloupéens s'identifient collectivement, si ça existe, et si ça existe, sous quelle forme ils s'identifient. Et la race dont je vais parler aujourd'hui est devenue très rapidement comme un thème majeur, parfois... ça apparaît presque comme un obstacle à la définition d'un sentiment d'appartenance commun du fait des clivages ethniques, entre guillemets, ou raciaux. Je vais définir ces termes-là au long de la communication. Donc, du fait de ces clivages ethniques et raciaux, faire émerger, une identité ou un collectif devient un peu problématique. Donc le titre que j'ai choisi m'a posé énormément de problèmes. Quand je l'ai choisi, quand je l'ai communiqué à Audrey, je me suis dit, j'ai trouvé quel était, où était le problème, comment j'allais procéder pour présenter la communication d'aujourd'hui. En fait, il m'a posé beaucoup de problèmes, du coup je vais le reformuler. Penser la race et penser et eux de la race, pour moi, c'est comment à partir de données ethnographiques, quand j'étais sur le terrain en Guadeloupe, je peux saisir les phénomènes raciaux. Quelle est la réalité de la race aux Antilles? Comment est-elle vécue? Comment est-elle pensée par les Guadeloupéens? Donc la pensée de la race ferait référence à ça, alors que penser la race ferait référence davantage. Ah. Je suis ravi qu'il y ait encore plus de personnes pour m'écouter. Donc je disais que la question de la race, en fait, pour reformuler, la question de la race devient majeure dans ma thèse parce que ça apparaît comme un obstacle quelque part. C'est formulé en tant que tel, je vais voir en quoi ça peut l'être éventuellement, mais c'est présenté parfois comme un obstacle à l'édification d'un récit identitaire, un récit qui rendrait compte d'un sentiment de communautaire qui dépasserait justement ces clivages-là. Et en même temps, ça pose la question de la cohabitation de groupes divers en Guadeloupe. Donc groupe, ce terme-là sera aussi problématique. Donc du coup, le titre que j'ai choisi et qui me pose problème aujourd'hui, justement parce qu'il il évoque toute la complexité de la question de la race, c'est que j'essaie d'identifier les phénomènes de race en Guadeloupe, j'essaie de comprendre comment la race est vécue, pensée en Guadeloupe, les rapports interraciaux, et j'essaie de comprendre ce que signifie la notion de race, en faire un petit peu la généalogie et voir comment je peux l'appliquer à mes analyses. Donc, premièrement, le côté purement empirique, quand je suis sur le terrain, qu'est-ce qui relève de la race, qu'est-ce que j'observe? Et deuxièmement, le niveau, on va dire, plus théorique, plus analytique, qui est que ben, cette notion, d'où vient-elle et qu'est-ce que je peux en faire? Donc, mon intervention va jouer un peu sur ces deux niveaux-là et je vais d'abord commencer par présenter certaines données de terrain que j'ai pu recueillir et à partir de là discuter de la notion de race à partir de lectures que j'ai pu faire. Donc je vais commencer, comme je l'ai dit, par les données ethnographiques. J'ai commencé à travailler sur la Guadeloupe quand j'étais étudiant en master, et l'intérêt ce que ça avait d'intéressant d'être en Guadeloupe à la période où je l'ai été, c'est que c'était tout de suite après, quelques mois après les mouvements de 2009. C'était en juin 2009, mon premier voyage. Et le second a été en février 2010, en janvier 2010 plutôt. Donc lorsque le FKP en Guadeloupe a essayé de reprendre le mouvement qui avait mobilisé tant de monde l'année précédente. Et ce qui transparaissait dans le discours du LKP, l'un des éléments en tout cas qui était particulièrement récurrent, c'était celui de la race et de la domination raciale. Et en discutant avec des organisations syndicales, politiques, des militants, des leaders politiques, des mouvements politiques et syndicaux, je me suis rendu compte que leur discours, la rhétorique qui était mise en avant, aussi bien dans les documents de propagande que dans les discours plus ou moins formalisés, était généalogiquement liée à la critique anticolonialiste forgée, qui avait été définie entre les années 60 et 80 par le mouvement anticolonialiste, nationaliste ou pas. Grosso modo, il y avait une sorte de milieu où il y avait des nationalistes et des gens qui étaient simplement de gauche, sans forcément être nationalistes, où on pouvait retrouver un même discours, une même critique anticolonialiste. Donc on pourra en discuter lors des questions, j'en traite un petit peu dans l'article. Et ce qui m'a semblé particulier avec le LKP en 2009, et c'est ce qu'ont relevé également certains militants justement issus du mouvement nationaliste. Bonjour, nous avons une intervenante qui vient de rentrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Ouais. Si vous voulez. Là où je ne gêne pas. Non, tout ça va, comme vous voulez. Donc je disais que l'un des aspects qui m'a interpellé tout de suite dans le discours du LKP, c'est que et qu'ont relevé certains militants du mouvement nationaliste que je qualifie d'anticolonialiste et anticapitaliste parce qu'ils ne sont pas forcément nationalistes, ce qu'ils relevaient, c'est que la dimension raciale était exacerbée en 2009 dans le discours. Elle était déjà là, cette dimension raciale, dans les discours nationalistes. Mais il me semble, de ce que j'entends dire les autres et de ce que j'analyse, de ce que j'ai pu lire, que ça restait quelque part implicite. Il y avait un implicite racial, et le discours officiel nationaliste, qui était dominant, parlait de culture guadeloupéenne, dans une logique plus ethno-nationaliste que raciale, même si, implicitement, dans ce être guadeloupéen, on voyait essentiellement les Noirs, nègres, et pas forcément des Indiens. C'est un thème que je problématise en ce moment également. Et la question du blanc créole était également assez ambiguë. Il était guadeloupéen parce qu'il parlait le créole, mais il est blanc, c'est le colonisateur, donc il y avait toutes ces ambiguïtés là mais dans le discours même, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre dire, que cette dimension raciale là n'était pas forcément explicitée. Même une conférence de Henri Bernard que j'ai pu retrouver, qui parle de conscience de classe, conscience de race et de conscience nationale. Ce discours-là est un peu nuancé par les gens qui ont suivi le MPGI et Henri Bernard. Ils disent que, quand ils disaient conscience de race, ce n'était pas forcément en référence à la couleur de peau, à la négritude. C'était dans un sens où race était amalgamée un petit peu à la culture et à... En fait, finalement, ça en revenait quelque part à l'idée d'une ethno-nation guadeloupéenne. En 2009, dans le discours de Domota et dans le discours du LKP en général, les béquets, je reprends cette catégorie entre guillemets et je vais justement chercher à la problématiser, les béquets étaient montrés du doigt. Et les noms qui au départ en 2009 étaient cités dans les discours, c'était ceux de Despointes et de Ayot, qui sont des noms de groupes également très connus. Donc, quelque part, dans la critique anticolonialiste remise à jour, revisitée en 2009, la focale est mise sur la race, sur la domination par un petit groupe de descendants de colons, de l'économie guadeloupéenne tout entière, de l'économie anti-est tout entière, et cette forme de domination est vue finalement comme un aspect du système colonial, de l'État colonial français. Donc l'État colonial est complice, il met en place cette politique coloniale qui explique cette exploitation du peuple guadeloupéen, et les béquets, entre guillemets toujours, sont les agents locaux de cette domination post, entre parenthèses, colonial. Selon le discours du LKP, c'est ce qui ressort. Alors, j'ai d'autres données de terrain, outre cette analyse de la rhétorique et du discours anticapitaliste, anticolonialiste de 2009, j'ai d'autres données de terrain qui viennent complexifier ce discours anticolonialiste du LKP. C'est-à-dire que, selon ce discours-là, il y a une domination des Guadeloupéens d'origine africaine et d'origine indienne, selon le vocable utilisé par le LKP, par la minorité blanche créole béké. Or, il apparaît que, du côté des blancs créoles guadeloupéens, il existe également un sentiment d'être attaqué, que les blancs créoles guadeloupéens estiment qu'ils sont l'objet d'un racisme de la part des Noirs et notamment de la part des anticolonialistes et des anticapitalistes. Donc ça, ça vient, si on prend ça en compte, ça vient complexifier la critique globale de 2009. Il y a des phénomènes de métissage également et des rapports conflictuels compliqués selon le degré de métissage qui nous poussent également à revoir le diagnostic racial entre guillemets du LKP. Et il y a la question indienne dont j'avais déjà parlé, qui est souvent posée comme une question culturelle, comme quelque chose qui est lié à la religion, à l'héritage culturel d'un groupe précis, et qui, à mon avis, peut être également analysé en termes raciaux. Donc je vais vous donner un aperçu des éléments de terrain que j'ai pu observer, qui viennent un peu complexifier cette notion de race, nous permet en tout cas de voir les différents discours qui se construisent sur la race et sur les rapports entre les différents groupes racisés. Alors le premier élément dont je peux parler, c'est le point de vue de certains entrepreneurs blancs créoles de la Guadeloupe que j'ai pu rencontrer. Mais avant, je vais faire un détour par un épisode judiciaire qui a pas mal marqué en Guadeloupe. C'est le procès de Sylvie Ayotte, qui est une quadragénaire originaire de la Guadeloupe et de la Martinique par son père, mais qui a vécu toute sa vie en Guadeloupe. Donc j'ai assisté à une séance du 13 mars 2012 où Sylvie Ayotte comparaissait devant les tribunaux de Pointe-à-Pitre pour injures à caractère racial et violence contre des pompiers guadeloupéens. Les faits remontent au 1er octobre 2011. Sylvie Ayotte avait été retrouvée sur le bas-côté de la route. Des pompiers sont venus la secourir et elle les aurait insultés, elle leur aurait craché dessus également, et elle aurait traité les pompiers majoritairement noirs de sale nègre. Elle aurait dit « pas moins ni moins sale nègre, ne me touchez pas, sale noir ». Je cherche... Ah non, je ne l'ai pas ici, mais je le citerai de mémoire. Il y a un communiqué du LKP, de l'UGTG plus précisément, qui est sorti, qui critiquait le traitement qui avait été fait de cette affaire-là. On estimait que justice n'avait pas été faite, même s'il n'avait pas encore eu de procès. On disait que Sylvie Ayotte avait été emmenée en institut psychiatrique, et qu'elle avait échappé finalement à la justice, malgré ses insultes à caractère racial. Alors j'ai pu assister au procès, comme je vous l'ai dit, et j'ai appris d'autres choses qui n'avaient pas été dites de la même manière, en tout cas, dans le tract de l'UGTG. Deux choses m'ont semblé assez significatives, c'est que il y a eu des tests d'alcoolémie qui ont montré qu'effectivement son taux d'alcoolémie était de loin supérieur à ce qui est autorisé par la loi. Et des éléments de santé ont également été donnés concernant certains médicaments qui, mélangés à l'alcool, pourraient avoir des conséquences particulières. Mais surtout, au niveau des injures qui ont été proférées par l'accusée Sylvie Ayotte, elle aurait traité les gendarmes, qui majoritairement en Guadeloupe, comme j'imagine en Martinique, sont en général métropolitains, elle les aurait traités de connards de blancs, et toute femme qui s'approchait d'elle était traitée, je cite encore une fois, de pute ou de salope. Donc on voit un état effectivement d'agressivité totale, voire de délire, peu importe les conséquences juridiques que ça peut avoir. Mais effectivement, le fait que le caractère racial est retenu pour insulter des métropolitains qui sont blancs comme elle, entre guillemets, interpellent. Et ce qui m'a semblé également très intéressant, c'est que les discours qu'ont pu tenir certains blancs créoles, dont une qui lui est apparentée, disaient que il faut arrêter de dénoncer le racisme dans un seul sens. À chaque fois qu'un blanc dit quelque chose, on va lui tomber dessus, alors que quand c'est un noir qui dit des choses, des contre-vérités sur les blancs créoles, ce n'est jamais attaqué, il y a une espèce d'impunité vis-à-vis des noirs qui insultent les blancs. Il y avait, je l'ai senti à ce moment-là, une sorte de ras-le-bol des blancs créoles qui estimaient qu'ils étaient lésés et qu'on ne les écoutait pas et qu'on n'écoutait que les noirs. Donc du coup, j'ai pu m'entretenir avec d'autres blancs créoles de la Guadeloupe. Et c'est là que j'ai découvert que c'était un discours qui était partagé. C'était pas isolé, c'était un discours qui était partagé parmi beaucoup de blancs créoles sur ce sentiment d'injustice et le sentiment d'être quelque part un peu la victime d'un nouveau racisme ou d'un racisme à l'envers, voire d'un racisme anti-blanc. Et avant de continuer sur ces données empiriques-là, j'aimerais signaler à la suite de la parution l'article de la définition de Myriam Cotias dans le dictionnaire critique et historique du racisme, que la définition du blanc même ne va pas de soi en Guadeloupe. Dans la vie de tous les jours, il y a des gens qu'on va définir comme étant blancs et qui ne le sont pas. Et surtout, quand on va parler de blanc, ce sera un terme très générique qui va intégrer aussi bien les métropolitains que les blancs créoles, que certaines personnes métissées qui ont un type européen. Donc je trouve ça assez intéressant puisque le terme blanc à lui seul n'indique rien socialement quelque part. Il reste quelque part le phénotype. Il ne désigne pas les blancs créoles ou quoi que ce soit. Donc, quand on dit blanc, ça amalgame toute personne ayant un phénotype jugé européen. D'ailleurs, j'ai eu à interroger des personnes qui avaient des phénotypes européens et qui n'étaient pas totalement ou uniquement, qui me disaient que leur rapport était tout le temps ambigu dans la société guadeloupéenne. Et que parler le créole, avoir une attitude, des fréquentations, étaient d'autres éléments qui venaient nuancer cette identité de blanc. Donc du coup, lorsqu'il est question de parler de blanc créole, on va utiliser le terme blanc pays, enfin on l'utilisait beaucoup, blanc pays, blanc créole, qui serait la traduction pratiquement, l'équivalence pratiquement parfaite en créole. Mais il s'avère que les personnes qui passent pour blanches et qui ne le sont pas, sont aussi parfois appelées blanc pays. Pourquoi je fais ce point-là? C'est que il me semble que cette évolution langagière explique qu'on utilise le terme martiniquais, béqué, pour parler des blancs créoles de Guadeloupe, maintenant. Ce qui n'était pas le cas, cet amalgame, cet emprunt au créole martiniquais est documenté au moins depuis les années 70-80, notamment je pense au livre de Arlette Pauvert-Blandin, qui dit que béqué est un terme utilisé pour désigner les créoles de la Martinique, mais qu'il est commence à être utilisé également pour désigner ceux de Guadeloupe. Mais on va voir que ce n'est pas sans problème. Le fait d'utiliser le terme martiniquais béqué pour parler des blancs créoles de la Guadeloupe n'est pas sans poser problème. Parce que justement, dans le discours de certains blancs créoles, essentiellement des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, l'un des éléments qui revenait le plus souvent, c'était la distinction d'avec les béqués. Disait, nous ne sommes pas des béquilles, j'aime pas le mot béquille de toute façon. Nous ne sommes pas des béquilles. Et les arguments qu'il prenait pour se distinguer des béquilles me faisaient penser un peu aux stéréotypes qu'on a entre Guadeloupéens et Martiniquais, donc qui dépasseraient la race. C'est-à-dire que le béquet est riche, il est isolé, ce sont de grandes familles riches. Le blanc créole guadeloupéen est beaucoup plus proche de ses compatriotes noirs, il est plus décontracté, etc., etc. Et ils s'appliquaient à eux-mêmes et à d'autres ces attributs. Donc, c'est ce que je trouvais particulièrement intéressant dans leur posture. Ensuite, ce que ça souligne, c'est qu'il y a une espèce de contre-attaque sur le plan idéologique, théorique, de la critique anticolonialiste. Et il y a une affaire en cours qui l'illustre assez bien. La CGT Guadeloupe est actuellement en procès contre un monsieur Despointes, car ils ont affirmé que les blancs créoles, les béquets, c'est le terme qu'ils utilisent, ont hérité leur fortune de l'esclavage. L'avocat de M. Despointes dit que rien ne prouve que la fortune des blancs créoles est issue de l'esclavage. Il faut le démontrer historiquement pour pouvoir l'affirmer, mais c'est une contre-vérité. Et c'est également un argument que j'ai retrouvé dans pas mal de discours. On nous dit que nous sommes des esclavagistes, on nous dit que notre fortune est issue de l'exploitation des Noirs. Or, c'est faux. Personne ne peut le démontrer. Nous sommes finalement des entrepreneurs, nous sommes mouillés la chemise pour avoir ce que nous avons eu, etc., etc. Et là encore, c'est un argument que je retrouve dans la littérature créole écrite par des descendants de colons dans les années 80 et avant, dans les propos recueillis par Edith Covas-Baudou sur les blancs créoles de la Martinique. Donc, pour conclure sur cette partie-là, sur les blancs créoles, on voit que le discours anticapitaliste, anticolonialiste, critique en fait leur position et vise, surtout depuis 2009, ce groupe des blancs créoles, pour dire que ce sont eux les agents locaux du colonialisme et qu'ils exploitent la population. Et au sein de ce groupe blanc créole même, il y a une défense, une contre-attaque pour démonter les arguments des membres du LKP, des organisations anticolonialistes et anticapitalistes, ainsi que une redéfinition de ce que c'est être blanc créole. Donc sur certains aspects, leur discours vient aussi, apparaît également comme un renversement sémantique, on va dire, du nationalisme. Et ça, je voudrais bien répondre à certaines questions s'il y en a à ce niveau-là, puisque on attaque les nationalistes sur les fondements de leur critique anticolonialiste et on se dit plus guadeloupéen qu'eux, quelque part, puisque plus responsable en termes économiques, en termes politiques, etc. Donc, là, en fait, j'étais plus sur une analyse de la politisation conflictuelle de la race par certains groupes, on va dire, idéologiquement marqués. Aussi bien du côté blanc créole que du côté, on va dire, entrepreneur blanc créole, pour préciser, que du côté syndical, politique, anticapitaliste, anticolonialiste. Alors, il y a d'autres éléments, je les avais cités, qui viennent complexifier ces rapports de race, qui ne peuvent pas être vus uniquement dans la binarité noir-blanc, mais qui doivent également prendre en compte aussi bien la question du métissage que la question indienne, selon moi. Et concernant le métissage, quand on se réfère aux historiens, notamment des historiens qui ont travaillé sur la période révolutionnaire, je pense à Frédéric Régent, et ceux qui ont travaillé sur la période post-abolitionniste, je pense à Jean-Pierre Sainton et à Josette Fallope. On montre comment la société coloniale esclavagiste était distinguée en trois groupes, les blancs, les libres de couleur et les esclaves. Fallope et Sainton montrent que, après l'abolition de l'esclavage, on garde des groupes de couleur entre les blancs, les francs mulâtres pour Sainton, c'est-à-dire les descendants des libres de couleur après l'abolition de l'esclavage. Et lui, il distingue dans le groupe nègre, le groupe des noirs descendants d'esclaves, les nègres métissés et les nègres noirs. Donc les noirs foncés de peau et ceux qui sont clairs de peau. Donc il y a une dimension sociale et politique qui s'intègre dans cette division raciale, dans la période coloniale, esclavagiste et post-esclavagiste. Dans l'introduction de son ouvrage « Couleurs et sociétés en Guadeloupe », qui est sorti en 2009, après justement les événements, Jean-Pierre Sainton dit qu'il serait intéressant de voir quel est l'impact aujourd'hui de ces rapports raciaux, de ces distinctions raciales dans les sociétés antillaises, et notamment en Guadeloupe pour ce qui le concerne. Et il dit également, dans l'introduction, Jean-Pierre Sainton, qu'on a envie, qu'on serait tenté, dans les discours idéologiques notamment, de dire « Ah, il n'y a pas changé, les choses sont pareilles, il y a encore une domination des Noirs sur les Blancs, etc. etc. » etc. Alors, moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est que les choses ont changé. Enfin, certaines choses ont changé, et il y a des continuités et des changements, comme toujours. Pour ce qui est des changements, donc là, je parle toujours du métissage, j'ai remarqué que les gens de moins de 50 ans, en général, se réfèrent très rarement à la catégorie de mulâtre. Que ce soit sur le plan phénotypique, que ce soit sur le plan social. Et comme je suis moi-même issu d'une famille guadeloupéenne, je peux donner un exemple qui m'avait fait rire. C'est que il y avait une réunion de famille avec des personnes de tous âges, de mon âge, de ma génération, de la génération de mes parents. Et deux personnes de la génération de mes parents ont eu un débat sur qu'est-ce que Chabin, qu'est-ce que Milate et qu'est-ce que Rouge. Donc, nous les plus jeunes étions vraiment... on a l'impression que c'était une conversation complètement futile et un petit peu ridicule, où chacun essayait de trouver un exemple de personne dans le réseau de parenté, on va dire, qui soit rouge, soit chabin, soit mulâtre. Et ils n'étaient jamais d'accord. Ah non, mais celui-là, il est rouge parce que ses cheveux sont comme ça. Non, celui-là, il est chabin, celui-là, il est mulâtre. Ben moi, ce que je remarque sur le terrain, notamment à partir d'échanges informels sur ces différentes gradations de métissage, c'est que le terme de mulâtre est en train de tomber un peu en désuétude, surtout dans sa définition sociale. J'ai seulement entendu des quinquagénaires en général nationalistes se référer à des mulâtres comme appartenant à une espèce de bourgeoisie, à être un petit peu assimilé, à mépriser les nègres, etc. J'ai seulement entendu des personnes qui avaient 50 ans et plus se référer aux mulâtres comme catégorie aussi clairement circonscrite. Qu'on se réfère aux autres types de teintes et aux autres phénotypes de personnes claires de peau, le terme qui semble s'imposer est chabin-chabine, et on fait beaucoup moins les distinctions subtiles entre rouge, chabin, mulâtre en fonction des cheveux et de la nuance de couleur de peau. Alors, là où il y a des continuités, c'est que même si on ne peut pas observer une espèce de structure sociale où il y aurait clairement les francs mulâtres, les nègres métissés, les noirs, les nègres noirs, etc., etc. Ce qui ressort de certains entretiens semi-directifs que j'ai conduits, c'est que la couleur de peau reste un facteur décisif ou alors très important, notamment lorsqu'il est question de rapports de séduction et de critères de beauté. On se réfère à des agences de mannequins qui ne recrutent que des métis et qui ne recrutent pas les négresses, entre guillemets. Alors, tous les marqueurs raciaux, je choisis en général de mettre entre guillemets pour montrer la distance. Mais ça, dans la deuxième partie, ça ressortira plus rapidement. J'essaie de me dépêcher avec cette partie-là pour en revenir après à ce que j'en tire sur le plan théorique. Alors, les agences de mannequins qui ne recrutent que les métis. Alors, métis, c'est une autre catégorie, d'ailleurs. Métis, ça va être clair de peau, mais c'est pas que le phénotype, c'est qu'on sait que l'un des deux parents n'est pas noir et en général pas blanc créole, mais plutôt blanc France, comme on dit. Donc, et dans autre exemple tiré des rapports de séduction et des rapports hommes-femmes, il y a toute une série de stéréotypes qui continuent à être véhiculés sur les chabines, justement. Dolores Porret, dans son ouvrage sur, je crois que c'était un mémoire de Master 1, qui avait été publié sous forme de livre, elle faisait l'analyse de ces stéréotypes qui continuaient à être véhiculés sur les chabines. Et moi-même, alors que j'étais à un entretien, j'ai pu entendre un groupe d'hommes âgés entre 25 et 35 ans discuter des chabines pour savoir laquelle de la négresse et de la chabine était la plus « salope », entre guillemets. Laquelle était la plus facile à avoir, laquelle était la plus chaude, etc. etc. Il y a l'article de Stéphanie Mulot. Exactement, aussi, ouais, Stéphanie Mulot qui est... Sexualité et couleur de peau... Et il y a d'autres stéréotypes que j'entends, que j'ai entendus sur le terrain et que j'ai sans doute entendu dans mon enfance, mais j'essaie de me fier plus à ce que j'ai observé avec mes lunettes de chercheur en formation. Il y a également des stéréotypes sur les enfants. Donc les petites filles chabines, on dit qu'elles ont le sang chaud. Je remarquais qu'une jeune fille qui m'est apparentée, qui est toute jeune, je faisais simplement la réflexion qu'elle était très remuante, quoi. Et j'en parlais à une quinquagénaire qui disait « Ah, chabine, chabine !» Comme si c'était parce qu'elle était chabine qu'elle était remuante. Et j'ai également entendu une autre personne, une autre jeune fille m'étant apparentée, qui m'expliquait qu'un garçon de sa classe était très remuant parce que c'était un chabin aux yeux verts. Et je lui disais « Mais quel est le rapport ?» Et elle me disait « Ah, mais non, mais on m'a déjà dit que les garçons chabins aux yeux verts sont emmerdants. » Donc pour elle, les deux étaient complètement imbriqués. Donc on connaît ces anecdotes-là, mais je les rappelle concernant les représentations du métissage et des phénotypes métissés. Et enfin, par rapport au rapport de séduction, ça ne concerne pas uniquement la femme, justement. C'est ce qui est intéressant pour comparer avec l'article de Stéphanie Mulot. J'ai eu un long entretien avec un... jeune homme dont la mère est française et le père guadeloupéen, française de France hexagonale, et le père guadeloupéen, qui se définit comme un chabin à lox, parce qu'il a des lox. Il me dit que ce style chabin à lox lui permet d'avoir des conquêtes, il pourrait multiplier les conquêtes s'il le souhaitait, parce qu'il est chabin à lox. Et que, entendant par là, qu'il ne le fait pas parce qu'il n'est pas particulièrement coureur, mais que s'il voulait, qu'il pourrait avoir toutes les filles qu'il voulait. Pas dans une posture, il n'était pas dans cette posture du machismo caribé, hein, il était vraiment en train de dire ça avec un certain recul. Il n'était pas en train de se s'auto-valoriser en tant que chabin à lox, mais il expliquait que selon lui, les femmes en Guadeloupe avaient une attitude vis-à-vis de lui du fait qu'il était chabin à lox. Donc, voilà, ça c'est pêle-mêle, un peu comme ça, les représentations du métissage et des degrés, on va dire, de métissage, des différents phénotypes métissés. J'essayais de voir toutes les représentations qui étaient attachées à ça, autour de cette réflexion sur la race à partir des données de terrain. La dernière dimension, ça j'irai assez vite et je prendrai des questions là-dessus. Je l'ai déjà un petit peu dit, c'est par rapport au groupe indien. Qui est tout ce qui est lié à l'indianité, au retour à l'hindouisme aux Antilles, en Guadeloupe en particulier, où visiblement c'est plus fort, selon ce que m'ont dit mes informateurs. On analyse du coup, du fait de ce que je viens de dire là, la question indienne, entre guillemets, la question de la présence indienne en Guadeloupe en termes culturels, ethniques, entendant par là rapport intergroupe. J'estime pour ma part que dans la logique antillaise, dans les représentations antillaises, la zindianité, entre guillemets, pour, pas l'indianité en tant justement que phénomène culturel, mais la zindianité, le fait d'être de phénotype indien, est quelque chose de racial, de racialisé, puisque y a une dimension biologique qui est quand même très forte, une dimension phénotypique qui est très forte également. C'est Kassam aux Indiens. C'est pas seulement il est indien, il est hindou, il vient d'Inde, etc. C'est aussi le phénotype. Et j'ai parlé avec certains militants de la culture indienne et beaucoup me faisaient, faisaient référence aux moqueries qu'ils ont subies en tant qu'hommes, notamment. Et les femmes également me parlaient des moqueries qu'ont subies des hommes qu'elles connaissent parce qu'ils étaient indiens et parce qu'ils étaient forcément frêles, maigres, pas masculins, pas costauds, etc., etc. Et tous me rappelaient la même phrase qu'on leur adressait dans l'enfance, qui était « Zindien n'y on selle fesse, n'y on selle veine, et a si fait ça, et si ou poussé, il qu'a tombé, et qu'a mort. » Les Indiens n'ont qu'une seule veine qui se trouve sur leurs fesses. Si tu les pousses et qu'ils tombent, la veine éclate et ils meurent. Tellement ils sont maigres, c'est ça l'image, quelque part. Donc il y a, quelque part, l'idée d'un phénotype qui stigmatise et qui est vu comme étant quelque chose de qui n'est pas connoté positivement. Bien que il y a l'aspect phénotypique lié à la corpulence qu'on ne juge pas attrayante pour les hommes ou pour les femmes également parfois, selon ce que j'ai pu entendre, mais il y a la dimension également ambiguë du cheveu. Okay. Chivés indiens, c'est plutôt bien vu, plutôt que mal vu. C'est plus positif d'avoir des cheveux indiens, même si on a la morphologie qui va avec. Et la chevelure, et les traits du visage également, servent de critères pour définir un type indien. Notamment lorsqu'il y a un métissage, ça va être les critères déterminants pour définir un phénotype indien. Et on sait que ces critères-là sont en fait assez, l'expérience du métissage et de ses effets inattendus nous ont bien montré que les critères traditionnellement retenus n'ont pas de valeur scientifique, entre guillemets. Et Victorin Lurel nous le rappelle dans sa lettre à ses compatriotes de l'Hexagone, lorsqu'il dit que on a toujours cru qu'il était indien et qu'il avait des ancêtres indiens, alors que sa généalogie ne semble indiquer aucune ascendance indienne. Donc, malgré ça, ce type de phénotype continuera à être qualifié de indien dans certains cas. Donc, je trouve ça intéressant de voir ça en termes de. En termes de race plutôt qu'en termes seulement culturels, voir comment la question indienne, le phénotype indien et la présence indienne sont intégrés dans un système de pensée de la race, quelque part, qui complexifie la dichotomie noir-blanc. Donc, très rapidement, je vous ai exposé différents chantiers de recherche où la race intervenait, où j'ai eu face à moi des phénomènes de type ratio, entre guillemets. Mais reste à définir qu'est-ce que la race et qu'est-ce qu'un phénomène à caractère racial. Forcément, tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas simplement observé qu'il y avait des gens clairs de peau, des gens noirs de peau, des gens avec des cheveux lisses, des gens avec des cheveux crépus. J'ai mobilisé, en fait, des catégories qui sont utilisées aux Antilles pour classer les gens. Ça ne va pas de soi, c'est une construction et justement, les chercheurs en sciences humaines et sociales qui sont pour l'utilisation de la notion de race mettent l'accent sur le fait que ce n'est pas un phénomène biologique auquel ils s'intéressent, mais un phénomène symbolique, un phénomène social et culturel, qui est qu'on a assigné des positions, parfois des rôles, à des personnes en fonction de leur phénotype. Et ce sont les effets tangibles, matériels, sociaux, de ces constructions symboliques qu'analysent les chercheurs en sciences sociales en général. Ce n'est pas la race comme phénomène biologique. La race est souvent perçue dans les définitions scolaires, dans par exemple l'encyclopédie de l'anthropologie sociale et culturelle. Il y a une définition de Roger Sanjek qui explique que la race apparaît au moment de la colonisation et de l'esclavage notamment, car il y a d'autres formes d'ethnocentrisme dans d'autres contrées du monde, mais que c'est à ce moment-là que se construit un discours globalisant qui vise à classifier toute l'espèce humaine en race. Donc, quand on est dans l'histoire des Antilles, on est exactement là-dedans. On est dans l'histoire de la colonisation, de l'esclavage et de la racialisation des rapports sociaux. Où être esclave n'est pas un accident, ça devient une hérédité et ça devient quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc j'ai essayé de voir mon défi à partir de ça, c'est... Toutes les données dont je vous ai parlé assez rapidement, de les analyser bien sûr beaucoup plus en profondeur et de les classer pour essayer de voir comment ont évolué et évoluent encore les rapports entre groupes racisés, entre groupes racialisés. Et pour ça, j'ai trouvé utile de revenir à une définition plus ancienne de ce que c'est la race. Et je terminerai là-dessus, même si ça peut être un petit peu, ça peut sembler un peu surprenant. George Stocking, qui est un historien de l'anthropologie, fait une analyse de la notion de race, de l'utilisation de la notion de race, en anthropologie et dans d'autres disciplines au tournant du 19e siècle, donc entre le 19e siècle et le 20e siècle. Et je trouve intéressant de revenir à la manière dont la race était pensée à cette époque-là. Il nous explique qu'en fait, à cette période-là, jusqu'au début du XXe siècle, la race était une construction, bien sûr, mais c'était... cette notion combinait à la fois une dimension biologique et une dimension culturelle, psychologique, etc. C'est que on estimait finalement qu'il y avait une hérédité à la fois sociale, culturelle et biologique, qu'on transmettait sa couleur de peau, la texture de ses cheveux, mais aussi des prédispositions psychologiques, une culture, voire une langue. On pensait que la langue était le fruit de maturation de génération et de génération de personnes qui avaient élaboré une manière de communiquer de plus en plus perfectionnée, et que ça se transmettait par le sang. Tout comme la culture. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que avec Fanon ou avec Taguieff aussi, qui analysent tous les deux le racisme à deux périodes différentes, on semble affirmer que le racisme culturel ou la dimension culturelle du racisme est une invention qui s'ajoute au racisme biologique parce qu'il ne suffit plus à légitimer l'ordre colonial. Or, lorsqu'on revient au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle, à la base même, le concept, la notion de race confond hérédité sociale et hérédité biologique. Au fondement de la notion de race, il y a l'idée que ce qu'on transmet, c'est à la fois sa couleur de peau, son phénotype, et sa culture et sa langue. Et il faudra attendre justement cette période-là, fin 19e, début 20e siècle, pour que Franz Boas, l'anthropologue américain, établisse une distinction entre race, culture et langue, et explique que ces trois phénomènes sociaux et biologiques, sociaux pour deux d'entre eux et socioculturels pour deux d'entre eux et biologiques pour l'un d'entre eux, étaient complètement indépendants les uns des autres. Mais je trouve intéressant de revenir à cette notion de race-là, non pas pour qu'elle soit réhabilitée, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour ça, pour dire que les prédispositions psychologiques, culturelles ne sont pas transmises par les gènes, mais pour mieux comprendre la pensée de la race aux Antilles. C'est-à-dire que, dans tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, surtout ceux concernant le métissage, c'est l'idée qu'il y a des prédispositions comportementales, génétiques, chez la Chabine, chez la Mulâtresse, et dans certains discours de blanc créole, chez les Noirs, certains discours disent que ce sont certaines formes culturelles d'Afrique qui se sont transmises en Guadeloupe et qui expliquent que certaines choses ne fonctionnent pas, que le rapport de pouvoir, etc., est extrêmement conflictuel. C'est un héritage culturel africain. Donc dans toutes ces conceptions de la race, quelle que soit d'où elles viennent, on a l'impression que... ce n'est pas très clair dans la part de la personne qui parle, de la personne qui tient un propos sur la race, sur l'Indien, sur le noir, sur le blanc. On a l'impression que ce n'est pas très clair de savoir si il parle d'hérédité sociale ou d'hérédité biologique. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser à ce niveau-là pour mieux comprendre les rapports raciaux. Est-ce que la manière de penser la race aux Antilles n'est pas un peu la même que la manière dont les anthropologues la pensaient à la fin du 19e siècle et à la fin du 20e siècle, c'est-à-dire comme confusion d'une hérédité, sociale et biologique. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses et je suis prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup, Harry, pour cette présentation. Alors, je sais pas si... Peut-être je vais me lancer... Et commencer parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses dans ce que tu nous as dit. J'aimerais peut-être que tu reviennes sur le projet initial de ta thèse parce que je pense qu'il y a toute une dimension analyse de ce décatégorisation raciale dans la vie quotidienne qui est quand même quelque chose qui est au cœur de ton projet doctoral. Donc déjà voilà de revenir un petit peu au point de départ de ce projet et ce qui m'intéresse particulièrement c'est justement le rapport que tu peux faire entre ces représentations quotidiennes de ce que sont ces catégories, ces catégorisations et le rapport avec des phénomènes de politisation à des moments. Et justement, si on doit parler de moments particuliers, dans quelle mesure est-ce que... Et ça, je ne sais pas si tu es en mesure, avec ce sur quoi tu as travaillé, si tu es en mesure de répondre à ça, mais dans quelle mesure est-ce que le mouvement, finalement, post-mouvement LKP est un mouvement très particulier qui change quelque chose dans la manière dont ces catégorisations-là évoluent dans le temps? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a une focale qui se fait à un moment donné sur ces catégorisations-là en Guadeloupe? Est-ce que le mouvement LKP, donc, avec une forme de politisation de certaines catégorisations, et puis d'après ce que tu disais aussi, un moment de réduction aussi du nombre de catégories disponibles, en tout cas dans l'espace public, dans quelle mesure est-ce que c'est un mouvement qu'on observe depuis un moment et puis qui est un peu grossissant avec le mouvement LKP, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Et je le rattache à une discussion qu'on avait juste avant le séminaire, qui était l'importance prise, par exemple, par le terme afro-caribéen, et finalement par des types de définitions très nord-américaines de la race, qui du coup semblerait aller de pair avec une réduction du nombre de catégorisations... ordinaire, il y a beaucoup de choses dans ce que je te demande, je ne sais pas si c'est très très clair, mais en tout cas revenir un petit peu à ton projet de départ et puis essayer de voir comment tu penses cette articulation entre catégorisation ordinaire, discussion quotidienne et politisation, notamment dans des épisodes particulièrement conflictuels comme celui mouvement LKP, du coup ce que ça fait à la période post-LKP. Alors je ne sais pas si on prend plusieurs questions ou si on fait au fur et à mesure Bon, peut-être il peut répondre à celle-là déjà. Ouais, c'est un peu long. Alors, le projet initial, ça a vraiment été de... Après avoir essayé de comprendre quelles étaient les revendications du LKP, et après m'être rendu compte que la dimension identitaire était quand même très présente en 2009, je me suis rendu compte que, à part peut-être le mouvement nationaliste, en Guadeloupe, hein, je parle vraiment de la Guadeloupe, il n'y a pas forcément de manière formalisée de dire ce que c'est qu'être Guadeloupéen. Il y a l'influence des écrivains martiniquais. Le mouvement de la créolité n'est pas forcément vécu par tous, en tout cas comme une production exclusivement martiniquaise. Dans certains discours, surtout d'hommes politiques républicains, on pioche dans la théorie de la créolité pour dire, se redéfinir comme étant multiracial et multiculturel, par opposition à une identité nationaliste qui se veut plus fermée. Donc du coup, à partir de ce constat-là, je me suis dit, quels sont finalement... parce que c'est un discours du discours nationaliste, c'est un discours forgé vraiment à un moment très précis qui s'est disséminé dans la population. Est-ce que ce discours-là est complètement intégré tel quel? Est-ce qu'il y a d'autres discours comme celui de la créolité et d'autres qui interviennent dans la manière de définir ce que c'est être guadeloupéen? Donc j'ai cherché à identifier les milieux où étaient formalisés des discours sur ce que ça veut dire être guadeloupéen et de voir justement quelle était la réception dans la population. Et j'ai cru identifier certaines grandes lignes définies par certains mouvements bien précis, mais également d'autres mouvements plus diasporiques, entre guillemets, et ça me mène un peu vers ta deuxième question, des mouvances issues des États-Unis, dans le hip-hop, issues de la Jamaïque, dans la dancehall, issues des universitaires américains avec l'afrocentricité, par exemple. Ben, toutes ces manières-là de définir ce que c'est être noir, ce que c'est être africain, ce que c'est être caribéen, transitent par d'autres voies et sont réinterprétées et retraduites localement en Guadeloupe. C'est ce que j'ai cru constater, donc c'est ce qui m'intéresse. La race, comme je l'ai dit, elle est très importante, puisqu'en fait, on parle de race et de culture, mais on parle de, dans le mouvement afrocentriste, par exemple, de négro-égyptien. Donc c'est jamais uniquement culturel, on fait souvent référence à cette catégorie de noirs qui, à la base, est une catégorie issue de la racialisation coloniale, en fait, esclavagiste et post-esclavagiste. Donc voilà. Ensuite, sur l'articulation entre ces éléments liés à la vie quotidienne et les discours, on va dire, idéologisés, on va dire, ou idéologiques, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est déjà là, qui n'est pas forcément formalisé, qui n'est pas forcément politisé directement de manière claire, mais surtout quand je lis Myriam Cotillas lorsqu'elle fait l'analyse de certains débordements dans la période post-esclavagiste et certaines révoltes de personnes qui descendent immédiatement des esclaves ou qui étaient eux-mêmes esclaves avant 48, ça me donne l'impression qu'il y a des choses, il y a des représentations de ce que c'est être noir, il y a des ressentiments de ce que c'est d'avoir vécu l'esclavage, pour cette période-là en tout cas, qui se transmettent. Il y a des idées reçues qui se transmettent et il y a quelque chose qui est déjà là, qui n'est pas forcément le fruit d'un militant nationaliste qui est venu cristalliser tout ça et dire « Vous êtes des Noirs maintenant, donc mobilisez-vous en tant que Noirs ». Donc je pense qu'il y a déjà, ce qu'on sent au quotidien, je pense que c'est ce qui s'est transmis de la pensée de la race en Guadeloupe depuis des années et des années, qui évolue avec toutes les influences diverses, mais qui du coup peut être mobilisé parce qu'il y a eu ce travail de conscientisation, comme disent les mouvements anticolonialistes et anticapitalistes. Il y a eu ce mouvement de propagande, entre guillemets, où on a quand même réussi à faire disséminer l'idée que on est un peuple guadeloupéen, que nous sommes exploités pour telle et telle raison. Et du coup, les deux se répondent. C'est ce que je dirais, en fait. C'est comme ça que je l'analyse. Les deux se répondent. Les deux niveaux d'identification se répondent. D'accord. Peut-être juste une petite remarque, alors avant qu'il y ait des questions de l'autre côté, ce que tu dis là, ça me fait pas mal penser à, dans les théories, les analyses des mouvements sociaux notamment, et quand on s'intéresse justement à l'identité collective au sein des mouvements sociaux, donc évidemment il y a toujours ces précautions sur l'identité construite, etc., notamment quand on travaille sur des groupes qui vont se définir sur une base ethno-culturelle, etc. Et puis qu'il y a quand même aussi cette idée qu'on peut... C'est un auteur qui s'appelle Aubert Schall qui parlait du fait qu'il y a des bases identitaires qui ne sont pas de l'essence, enfin voilà, ce n'est pas une identité essentielle, mais malgré tout des choses qu'on peut prendre au sérieux, qui sont, et donc dans ton cas, ce serait une expérience à une génération qui du coup forge des représentations qui sont ensuite transmises de génération en génération, avec en plus ce phénomène intéressant de transmission. De la mémoire au sein de la famille, donc forcément avec des ajouts, des oublis, des retraits, etc. Mais du coup, dans le fait de prendre au sérieux ces choses qui sont évidemment pas des pensées qu'on se transmet par le sang ou de manière génétique, mais qui en même temps sont des choses qui viennent pas de l'extérieur, qui sont des éléments issus de la transmission, il y a quelque chose d'intéressant. Et dans les travaux d'Aubert Schall sur les bases identitaires à prendre au sérieux et qui sont pas une manière de remettre en cause le constructivisme, mais en même temps qui sont une manière de prendre au sérieux quelque chose qui existerait avant qu'on se construise de manière stratégique ou quoi, dans une mobilisation, une identité. Ça me fait assez penser à... Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai voulu... c'est ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, lorsque j'ai lu le chapitre de Stocking, quand il parlait de la manière dont la race était définie à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Je me suis dit... Ça, c'était une pensée scientifique qui était fondée sur des connaissances populaires, finalement. Et il dit bien, Stocking, que les connaissances populaires de l'époque sur ce que c'était que l'hérédité sociale à l'époque, les gens pensaient, il vit, le pauvre est comme ça, son fils est pareil, c'est parce que génétiquement, les pauvres sont... ça se transmet, leur attitude, leur manière de vivre, c'est pas social, c'est pas un apprentissage... social, c'est pas de l'imitation, c'est quelque chose qui est dans le sang et qui se transmet. Donc la même chose pour la race, on disait les noirs vivent comme ça, leurs enfants vivent comme ça, ils font la même chose, ce n'est pas parce qu'ils apprennent culturellement à le faire, c'est parce que ça se transmet génétiquement. Donc cette connaissance populaire là de la race et de l'hérédité, en fait elle est théorisée en discours savant, et ce qui m'a intéressé justement, c'est de voir comment dans une société qui a vu naître la racialisation de par son histoire même, j'ai cru identifier des mêmes manières de penser la race. Et effectivement, je ne m'inscris pas dans une démarche essentialiste. Je ne pense pas qu'il y a une culture antillaise, une culture martiniquaise, une culture guadeloupéenne qu'on puisse clairement circonscrire et qu'on puisse clairement définir. Mais effectivement, cette manière de penser la race, elle s'est faite de la manière dont elle s'est faite, de par l'histoire, mais elle a des effets tangibles. Le fait que les gens pensent comme ça a des effets sociaux et politiques, et c'est ça qui m'intéresse justement, de comprendre comment les personnes avec qui je peux parler, pensent la race et quel impact social, politique ça peut avoir, notamment sur leur manière de s'identifier collectivement. Poser une question. Alors c'est Isabelle Dubos, c'est là qui parle, on te voit pas malheureusement. Je suis anthropologue. Oui. À l'UAG. Au niveau du terrain, tu disais que c'était surtout avec les leaders syndicaux, politiques que tu avais discuté. Mais cette problématique de la race, est-ce que tu la discutes aussi avec des Guadeloupéens lambda, tu vois, qui n'est pas un rôle de leader particulier? Parce que moi, je me suis souvent posé la question, en tout cas pour la Martinique, hein, je travaille en Martinique, est-ce qu'il n'y a pas une séparation très forte entre des discours de leaders, d'intellectuels, et puis tout simplement le ressenti de la population? Souvent, il me semble qu'il y a une sorte de décalage. Bon, mais là, c'est juste une impression, moi, je ne vais pas travailler directement là-dessus. Donc, est-ce que toi, tu fais des entretiens avec des personnes qui ne sont pas des leaders? Oui, ça m'est arrivé, c'est en général dans certains milieux particuliers que j'ai pu côtoyer, par exemple le milieu artistique, où je rencontrais des gens et ça venait sur le tapis, Par exemple, le Chabin Lox, il n'est pas militant. Et c'est lui-même qui commence à me dire, et au cours de l'entretien, on commence à en discuter, et je vois qu'il y a quelque chose autour de sa couleur de peau qui se joue, et j'approfondis la question. Donc oui, parmi les personnes que j'ai en entretien, enfin que j'interviewe selon la méthode d'entretien semi-directif, il y en a qui ne sont pas militants. Il y a aussi une observation un peu flottante, comme dirait Pétonnet, et il y a aussi des échanges informels. Lorsque je prends les transports publics, lorsque je parle avec des gens de mon entourage, des gens de ma famille aussi, où ça devient un petit peu compliqué du coup en termes de terrain, où ressortent en fait certains éléments. Mais j'irais même plus loin, je dirais que chez certains leaders, il y a deux niveaux de référence. Il y a le niveau de l'idéal idéologique nationaliste, etc., ou créoliste ou autre. Et il y a l'autre niveau qui est celui de la vie de tous les jours. Et des fois, dans un entretien que je peux avoir avec un leader politique, de la vie économique, de la vie culturelle, ben, ces deux niveaux-là, on passe souvent d'un niveau à l'autre. Et ça peut se contredire même. On peut se dire, oui, moi je suis noiriste, etc., l'indépendance, etc., et dire, ah mais moi, j'ai un neveu, il est blanc, hein, il est blanc, blanc, blanc. Donc on se demande pourquoi il a besoin de me dire qu'il a un neveu qui est blanc, blanc, blanc. Enfin, des choses comme ça, on a l'impression que les deux manières de penser peuvent exister chez une seule personne. Oui, c'est intéressant, ça veut dire que dans ces cas-là, la position sociale intervient comme un critère extrêmement important dans ces cas-là. La position sociale intervient de manière extrêmement importante, mais même, enfin, je dirais que même, il m'a semblé que même chez les individus de position sociale, on va dire, élevée, qui construisent une manière idéalisée de s'identifier, il peut y avoir également un autre niveau d'identification et d'autres références, en tout cas, liées à la manière dont on pense la race, en même temps, chez la même personne. Mais effectivement, je sais pas si c'est clair, en fait, chez une même personne, il peut y avoir un niveau d'analyse, un niveau de discours idéologiquement très clair, très marqué, très bien construit, qu'on ne va pas retrouver dans le reste de la population. Mais ce niveau qu'on trouve dans la population, on peut le trouver dans le discours de la même personne qui tient un discours idéologiquement très, très ciblé, très, très carré. Donc c'est qu'il y a une tension, il y a une contradiction, parfois, dans les individus eux-mêmes. Contradiction ou aménagement en fonction des différents rôles sociaux à jouer dans sa vie, quoi. Oui, c'est très intéressant, mais là, en l'occurrence, c'est une personne qui, avec toute représentation qu'il peut avoir de ce que ça peut vouloir dire être en thèse, qui est interviewée par quelqu'un qui fait une enquête en ethnologie et qui, dans le même discours, en s'adressant à la même personne, manie ces deux niveaux-là. C'est encore plus intéressant, je trouve. Mais du coup, toi, tu travailles en faisant des entretiens ou est-ce que tu fais aussi, enfin, c'est très en vogue en sciences sociales en ce moment, par exemple, enfin voilà, d'observations, de discussions collectives ou des choses comme ça, enfin je veux dire, est-ce que tu as fait des entretiens surtout et tu assistes, est-ce que tu peux nous parler de ton terrain? Mon terrain, comme j'ai dit, j'ai tiré beaucoup de choses finalement, des échanges informels et des observations de la vie de tous les jours, puisque j'étais amené à être énormément dans les transports publics. Pour des raisons qui ne sont pas du tout, qui n'auraient pas du tout de mon choix, mais bon, et ça a été très intéressant. Ensuite, mon terrain est éclaté parce que la thématique même est éclatée. J'essayais vraiment d'identifier les manières dont on définissait ce que ça voulait dire être guadeloupéen de manière formelle, et ensuite, justement, quand je parle de réception, c'est est-ce qu'on s'approprie le discours qui est formalisé par des militants, des chercheurs ou autres, dans quelle mesure on se l'approprie tout en ne se l'appropriant pas. Etc. Donc quand je parle de transmission, il y a l'aspect négociation aussi qui est très présent là-dedans. Et du coup, selon les groupes auxquels j'ai affaire, j'assiste à des choses différentes. Je vais assister à une réunion d'un groupe de communistes révolutionnaires régulièrement. Je vais assister à des cours de danse de l'ENA Blue, où c'est une population particulière qui vient y assister, où il y a un discours identitaire très fort et des pratiques corporelles, de cheveux, etc., qu'on ne voit pas ailleurs. Je vais assister ensuite à une cérémonie hindoue où on va tenir un discours sur la religion hindoue et la religion en général qui met les jeunes sur les rails, alors que ceux qui ne sont pas dans la religion, pas en religion, deviennent des délinquants, etc. Et cet éclatement me permet de mettre en rapport des choses que je n'aurais pas pu mettre en rapport si je m'étais focalisé sur un terrain en particulier ou un souterrain en particulier. Et le fait d'avoir cet éclatement de ma recherche, en termes méthodologiques, ça va être tantôt selon le profil de personne. Par exemple, le cercle blanc créole, je ne pense pas que je pourrais assister aux réunions du MEDEF, je ne pense pas que je pourrais assister aux fêtes de famille, etc. Donc là, j'ai eu la chance qu'il y ait le procès de Sylvia Ayotte pour avoir un autre point de vue, mais sinon ça va surtout être par interview. À d'autres moments, ce sera plus de l'informel et de l'observation du quotidien. Donc c'est l'éclatement du terrain qui veut en fait ce bricolage méthodologique. Moi, j'avais deux questions. Oui. Alors, une, c'est il n'y a pas d'introduction de la religion. En fait, tu n'en parles pas dans le... C'est peut-être inexistant, mais puisque Vichy introduit la religion-culture dans la question de la race, c'était pour savoir. Et la deuxième question qui m'a surprise, c'est par rapport à l'utilisation des juristes. Dans le sens où, juste pour injure, aller devant un tribunal, etc. Je veux dire, dans le même cas, en métropole, ça ne se ferait pas. Plus tu parlais aussi du procès entre Despointes et la CGT, c'est ça? Oui. Enfin, je trouve ça intéressant qu'il y ait une espèce de volonté, d'utiliser ou trouver une légitimité dans le droit. Je m'interrogeais autour de cette utilisation de la justice aussi. Oui. Alors, le premier point, c'était, excuse-moi. C'est l'action de la religion, si c'est utilisé ou pas du tout. Alors, la religion, c'est l'un des autres thèmes qui intervient dans les processus de conscience identitaire, c'est que c'est très présent, c'est-à-dire que, et j'en ai parlé pour les Indo-Guadeloupéens, certains Indo-Guadeloupéens qui sont des militants de la culture indienne, c'est par le biais de la religion qui vont porter leur revendication de reconnaissance de leur spécificité culturelle. En même temps, la religion est aussi, dans les processus ethniques de définition de frontières entre un groupe et l'autre, c'est aussi une frontière très floue, entre les hindous et les non-hindous. Par exemple, les hindous, en fait, leur religion, c'est du paganisme, donc c'est de la sorcellerie, donc c'est pas bien, donc on va les stigmatiser parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ou s'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens et quelque chose d'autre. Et l'hindouisme, ça ressemble au gadet zafé, c'est-à-dire à la sorcellerie, donc c'est pas bien ce qu'ils font, mais il y a des gens non-indiens et non-hindous qui vont demander à des hindous de faire des cérémonies pour... Donc, je m'intéresse à la religion de cette manière-là, et aussi parce que la grande majorité des gens sont de confession catholique, en fait. Et certains... l'un en particulier de mes interlocuteurs langue créole interprète la religion comme possible dénominateur commun. Il estime qu'il y a une unité de civilisation et de culture liée à l'héritage judéo-chrétien, etc., etc., qui pourrait servir de creuset pour intégrer tout le monde. Donc la religion, à différents niveaux et dans différents types de discours, va intervenir pour inclure, exclure, etc., etc. Et il y a aussi, à travers l'afrocentricité, même si certains disent que ce n'est pas une religion, l'idée de fonder une fierté noire dans une pratique. Si elle n'est pas religieuse, elle est au moins spirituelle, où on va faire des libations aux ancêtres, etc., etc. Donc voilà, je m'intéresse à la religion dans ces aspects-là, et ça participe plus, selon moi, de l'ethnicité, que je définis vraiment comme la manière dont on va définir son groupe en établissant une frontière qui est plus ou moins clairement tracée par rapport à l'autre. Je ne sais pas si c'était... Oui, mais après, où l'intégrer? Est-ce qu'on veut l'intégrer dans la race? Du coup, est-ce qu'on ne parle pas plus d'identité? C'est tellement dur à apprécier comme notion. La religion, contrairement à la langue... Alors, à moins que la religion... là où il y a ambiguïté, c'est par exemple lorsqu'on va parler des pratiques indiennes. On va dire oui, mais les Indiens font comme ça. C'est pas toujours clair à savoir si, de savoir si c'est ils font comme ça parce qu'on leur apprend à faire comme ça, ou si c'est ils font comme ça parce qu'il y a une espèce de culture qui devient comme une seconde nature qui fait que on répète les mêmes choses dans la perception. Dans ce que, qui ressort du discours, hein, de ce que disent les gens, des fois on a l'impression que la distinction entre hérédité sociale, hérédité biologique, transmission et caractère culturel qui serait presque inné, on n'est pas sûr qu'il y ait une claire différence entre les deux. Mais ça intervient beaucoup moins que ça reste vraiment, enfin souvent, axé sur le phénotype et sur... le fait de se mettre ensemble, de ne pas se mettre ensemble, c'est-à-dire d'être solidaire, mettez-nous ensemble, en créole. Voilà, ça va être surtout là-dessus. Par rapport à la justice, il y a vraiment des avocats du syndicat majoritaire indépendantiste en Guadeloupe, UGTG, qui ont défendu hein, les pompiers qui avaient été verbalement agressés par Sylvie Ayotte. Et il faudrait que je retrouve mes documents, mais le communiqué avait été émis par l'UGTG, donc ce syndicat indépendantiste, et c'est en tant que pompiers syndiqués qu'ils ont porté plainte. D'accord. Pour injure à caractère racial, et il y a eu des coups et des blessures, c'était pas seulement des injures. Elle leur a craché dessus, elle a donné des coups de poing, des coups de pied, il me semble, en se débattant. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu une action juridique. Oui, oui, d'accord. Voilà. Ouais, donc c'est une stratégie politique au syndicat. Parce qu'honnêtement, voilà, des injures... De toute façon, l'enjeu était, conscience ou pas, d'accord, au moment des faits, de l'accuser. Et les avocates ont beaucoup joué la carte de « ça fait du mal non seulement aux pompiers, mais à toute la Guadeloupe ». Puisque c'est toute la Guadeloupe et toute son histoire qui est insultée lorsqu'on traite un pompier de sale nègre. Donc cette carte-là était très présente. Ouais. Moi, je voudrais te donner des petites précisions peut-être sur la situation des Indiens à la Martinique. Oui. On a Géry Letton qui a fait sa thèse. Il y a déjà un petit moment sur les Indiens ici. Et nous, dans le cadre d'un programme de recherche qui a été financé par le FACIL, on a fait toute une recherche sur l'histoire de l'immigration à la Martinique depuis 1848. Mmh. Et du coup, on a abordé la présence des Indiens. Et tu as dit des choses qui font écho par rapport à ce que nous, on a pu trouver ici. Par exemple, les critères pour désigner les Indiens, on dit qu'ils sont frêles, fragiles, etc. Oui. Tu vois, par exemple, nous, on a fait des recherches dans les archives, et en fait, c'est ce que tu entends dans le discours des administrateurs, exactement, des gens, etc. Tu vois, où, juste... Non, je vais juste préciser sur ce point-là exactement. J'ai un article en cours où j'interprète vraiment ça comme une intégration des stéréotypes coloniaux. Que cette racialisation, elle vient comme une intégration des stéréotypes coloniaux sur non seulement le physique, mais aussi les caractéristiques psychologiques que certains sont dociles et d'autres ne le sont pas. Et les deux sont combinés. Oui, mais il me semble que tu peux même aller encore plus loin. Je te donne l'éclairage là et puis voir si toi tu peux. Oui, non, je voulais juste préciser ce que je n'avais pas dit. Ouais. Et tu vois, moi je travaille aussi avec les Chinois et pareil dans les archives, tu vois les comparaisons. Donc là, on est en pleine période, fin du 19e après l'abolition, on est dans la période de langagisme. Et tu trouves dans les pièces d'archives des courriers échangés entre administrateurs qui te disent. Oh, l'Indien n'est pas très efficace, le Chinois par contre, c'est un travailleur, et puis l'Indien il est casse-pied parce qu'il ne s'adapte pas sur le plan alimentaire. Donc tu as toute une hiérarchisation autour des catégories à sa période de langagisme, et on sent bien que ça a été fortement intégré, ces choses-là. Et si tu veux, là où c'est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que la relation aux Indiens en Martinique, elle n'est pas que raciale. C'est-à-dire que c'est aussi leur position au sein de la plantation qui a vraisemblablement déterminé énormément le type de rapport social par la suite. À savoir que sur les plantations, au moment des premières grandes grèves, dans les plantations, les planteurs ont véritablement utilisé les Indiens comme des Indiens, c'est les jaunes. Donc, Donc du coup, c'est pas possible après de créer des liens sociaux avec cette catégorie-là. Donc tu vois, c'est non seulement un problème racial, mais c'est aussi un problème de l'héritage de cette position au sein de la plantation. Et c'est l'articulation de tout ça, en tout cas en Martinique, tu vois, qui fait que pendant très longtemps, les Indiens ont été extrêmement dévalorisés, stigmatisés, coulis, c'était vraiment une barre. Et ça, je trouve ça absolument passionnant, il a fallu attendre les années 70-80 pour que les Indo-Martiniquais, comme eux-mêmes s'appellent, fassent tout un travail de réappropriation de leur propre culture d'origine pour enfin arriver à se positionner dans l'espace social martiniquais pour dire « on est là, nous, et on fait partie du décor culturel de la Martinique ». Et tu vois, il y a eu ce... Moi, je trouve ça passionnant de voir comment ce groupe a été capable, dans une grande maturation, tu vois, de régénérer un nouveau positionnement social. Alors, c'est exactement... Et je trouve ça exemplaire comme travail, tu vois. Oui, mais c'est... Ils ont fait ce travail de déconstruction, en fait, des catégories et des rapports sociaux. Mais c'est exactement le même processus en Guadeloupe, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas un seul intellectuel martiniquais qui ne dit pas la culture indienne fait partie intégrante de la culture martiniquaise. Mais bien sûr... Tu dis ça dans les loges et la chronique. Comme je la vois pas, je ne sais pas quand elle finit. Parce que je vous vois pas, en fait. Donc du coup, je savais pas quand vous aviez fini et quand vous n'avez pas fini. Donc Non, je voulais pas donner l'impression de minimiser cet aspect social et historique qui est très similaire en Guadeloupe. Et j'analyse justement ça, comment à partir des années 60, ils se sont sentis exclus, ces militants, du discours nationaliste. Certains étaient eux-mêmes militants indépendantistes, mais ils se sentaient complètement exclus du discours nationaliste du fait de l'implicite racial dont j'ai parlé au début. Donc, ils parlent créole très bien, ils vivent comme nous très bien, mais ils me parlent d'une xénophobie qui est restée de cette période, justement, de la cohabitation sur la plantation, malgré la mixité, malgré les mariages interraciaux, entre guillemets, mixtes. Ils parlent de cette... il y a même un militant syndical dont le père était indien et militant syndical et qui me souligne en entretien « Ah, Satyavar à l'époque, Zendia, Pateka... » Voilà. Donc, je suis conscient de ça et je ne le minimise pas. Ce que j'ai voulu faire, en fait, ici, c'était vraiment partir de la race et, justement, voir comment cette dichotomie noir-blanc dont on parle souvent, cette polarisation de noir-blanc, etc., fait peut-être perdre de vue d'autres formes de pensée de la race liées au métissage, liées au cas indien, qui sont intéressantes parce que, en plus de la... Je ne sais même pas si c'est en plus, tout est combiné de toute façon, hein, mais cet aspect social, historique, etc., est exprimé également en termes raciaux. C'est ça que je trouve intéressant. C'est pas seulement ce sont les jaunes, fais ça yo plat, yo meg, yo non selven, et je trouve ça intéressant parce que c'est le corps qui est mis en jeu, et surtout dans le rapport de confrontation virile, c'est vous faites pas le poids face à nous nègres, qui renvoie encore une fois aux discours coloniaux esclavagistes et post-abolitionnistes quand il était question de choisir entre les travailleurs indiens et les travailleurs africains, où les africains sont plus solides mais moins, plus fainéants, les indiens plus dociles mais pas aussi forts. Donc voilà, je néglige pas cet aspect là je voulais juste ici pour cette intervention là réfléchir, partir de la race pour réfléchir à une manière de pas de déconstruire, c'est même pas une déconstruction, mais de revoir, de revisiter la notion. Oui. Oui, d'abord, je partage ce que je dis, parce que les coulis en Martinique, à l'époque, on désignait les biens par le coulis, avaient une connotation extrêmement négative. Et s'il y a des stéréotypes en Guadeloupe, il y en a un ici à l'époque, j'ai grandi avec, et tout coulis. Un couteau d'alo qu'il fait. Couteau trois. Hein. Chaque coulis va faire son couteau trois. En parlant d'un tout qui avait réussi, quoi, hein, et dont on attendait obligatoirement l'échec au bout, quelque part. Hein. Bon, ben, c'est pour dire qu'il y avait une véritable. Et ça vient surtout des grèves. Hein. C'était des briseurs de grèves. Hein, et là, et comme c'est une époque où, précisément, il y avait de véritables luttes syndicales. Donc l'Indien, à ce moment-là, il avait sa part de mépris du point de vue Martinique. Je veux aborder un deuxième aspect. Actuellement, il y a une réflexion sur l'identité et par rapport, qui peut avoir sa place dans la notion de race, quoi, si on veut. Parce que nous vivons actuellement une, si on veut, entre identité et personnalité martiniquaise, guadeloupéenne, et ainsi de suite. Et nous avons donc une réflexion sur l'identité et la personnalité. Voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Bernabé, qui aujourd'hui se défend, quelque sorte, essaie de faire une différence entre l'identitarisme à laquelle on se rattache. Quoi, donc, il y a l'usage du mot, du concept, et il lui préférerait beaucoup plus une idée de personnalité, et de suite. Voilà. Est-ce que tu suis cette... Mais qu'est-ce qu'il entend par personnalité? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'identité? C'est un nouveau concept. Alors, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que j'ai bien dit, quand je parle d'identité, je ne pars pas du principe qu'il existe une identité, une essence martiniquaise ou guadeloupéenne. Il y a des éléments culturels, des manières de faire, des manières de penser, qui ont pris forme dans une histoire singulière, très singulière même, qui sont transmis, qui sont modifiés avec certaines constances, avec voilà. Mais ça, c'est un phénomène, on va dire, historique, anthropologique, comme partout. Enfin, les gens ne vivent pas partout comme en Martinique. Il y a des formes spécifiques culturelles et historiques partout. Mais, voilà, il y a manières de vivre, des manières de faire, des manières de penser, voilà. Et on essaie de les comprendre. Après, il y a la conscience que peut avoir tel groupe d'avoir des manières spécifiques de faire, de penser, etc., etc. Et il y a aussi ce que le groupe va faire de cette conscience-là. Et là, il n'y a pas de solution, je veux dire. Je ne pense pas que c'est un concept ou une idée qui changera quoi que ce soit. Je pense que là, c'est vraiment, du coup, la population, avec ses forces politiques en présence, qui fait des choix, et qui fait des choix pour se définir ce qu'elle est, en fonction d'enjeux politiques. Et c'est là l'autre dimension de mon travail, c'est que j'essaie d'identifier les différents choix qu'essaient de faire les personnes, comment ces choix sont reçus par la population, en fonction de quels enjeux politiques. Donc, voilà, c'est la nuance que je voulais apporter. L'identité, c'est ce que on va décider collectivement de faire ensemble, et c'est la manière dont on va décider collectivement de se définir en fonction d'enjeux. Alors justement, enfin, parce que dans l'analyse des identités collectives, ça c'est effectivement un des niveaux de l'identité, le fait qu'il y a quelque chose qui est produit par un collectif, mais alors par qui dans le collectif? Par justement par des leaders, par des gens qui vont formuler du coup une identité collective au niveau au niveau public. Mais il y a le collectif lui-même, parce que je pense que il y a un grand scepticisme de la grande majorité des Guadeloupéens sur bien des points du discours aussi bien nationaliste qu'afrocentriste, etc., etc. Il y a des choses dont on se saisit, mais il y a d'autres choses sur lesquelles voilà, on va se dire noir en continuant à détester l'haïtien et l'africain. Enfin, il y a des choses qui font que les formes de solidarité auxquelles vont appeler certains activistes, dire nous sommes des noirs, nous sommes des caribéens, ben, se heurtent au quotidien, pour répondre à ta question de tout à l'heure, se heurte au quotidien au fait qu'on estime qu'on est supérieur à l'haïtien parce qu'on est catholique et qu'on est français, qu'on est encore plus supérieur à l'africain, etc., etc. Donc, du coup, il y a des gens qui ont le pouvoir, et qui ont le pouvoir de dire, d'être médiatisés, de parler. Il y a ensuite ce que fait la majorité de la population de ces espèces de discours qui sont disséminés. Enfin, je sais pas si c'est autre chose. Dis-moi, écoute, c'est que, en fait, quand j'ai parlé de ça, c'est que Césaire, en 2003, il avait parlé de liberté, égalité, fraternité, identité. Oui. À partir de cette notion-là, si on veut, il y a eu une réflexion. Et si je parle de Bernabé, c'est que tout simplement, il condamne les personnes où il essaie de mettre, de souligner la différence à faire entre identité, personnalité, dans le sens non essentialiste. Voilà. D'accord. Oui, mais je comprends et je pense que c'est vrai que beaucoup de chercheurs ont montré que le fait de se définir, bon, ça reste encore à prouver historiquement et anthropologiquement, mais que le fait de se définir en des termes fermés, le fait de croire qu'on est un peuple unique qui va se perpétuer de manière infinie, que ça, cette idée-là porte en soi le germe du totalitarisme. Donc certains veulent remettre en cause cette idée d'identité et trouver des concepts où la manière de se définir serait moins absolue, moins violente, voilà, plus opaque, etc. etc. Oui, après, ça, ça en revient selon moi à la question du choix, en fait, c'est ce que je veux dire. D'accord. Et du choix très problématique, puisque qui choisit, comment, selon quels intérêts. Moi, j'aurais juste une interrogation sur le terme race que tu utilises. Tu utilises d'autres termes manifestement, et donc en disant que tu les utilises avec des guillemets, parce que c'est les termes qui sont utilisés sur place. On t'a parlé de Beckett, enfin, voilà, qui est une nouvelle terminologie, disons récente. Est-ce que le terme de race, tu le trouves utilisé tel quel dans les discours, ou alors est-ce que c'est toi la catégorie par laquelle tu construis la manière dont sont formulées les choses? Et le deuxième volet de la question, c'est du coup, si c'est pas le cas, si on n'entend pas parler de race, et moi j'ai pas spécialement, enfin je connais pas bien la Guadeloupe, mais pas un truc ici à la Martinique, on utilise race pour parler de chagrin, pour parler de... Enfin voilà, c'est pas le terme qui est utilisé. Si c'est toi qui l'utilises comme catégorie, et si j'ai bien compris, tu l'utilises comme catégorie pour définir quelque chose qui serait finalement, en quelque sorte, le phénotype, comment dire, le phénotype social ou socialisé, à la manière dont le genre, c'est le sexe social, la race, ce serait le phénotype tel qu'il est utilisé dans la société, en fait, enfin, tel qu'il est socialisé. Est-ce que à ce moment-là, ça ne pose pas la question d'utiliser ce terme-là particulièrement, compte tenu de toutes les connotations qu'il véhicule? Et voilà, je te dis ça aussi parce que par exemple, là, quand j'ai envoyé l'annonce de la séance, j'ai eu des réponses qui m'ont été faites, une réponse notamment, me disant mais je croyais que le mot race, ça n'existait plus, qu'est-ce que c'est que cette conférence qui parle de la race? Évidemment, j'ai bien dit que bien entendu, la communication viserait précisément à éclairer cette question de l'utilisation du terme. Mais voilà, est-ce que tu peux, est-ce que le terme il est utilisé et pourquoi est-ce que tu l'utilises? Alors, bonne question. C'est vrai que je suis parti un peu du postulat que ça relevait de processus ratio. Même pas du postulat, ça allait presque de soi pour moi, et c'est en retournant dans la notion du 19e siècle où je me suis dit qu'effectivement, c'est le produit de la racialisation liée à la période coloniale esclavagiste et post-esclavagiste. C'est une politique et un phénomène culturel et social avant même d'être une théorie, finalement, et que ce sont des... ces manières de penser la différence phénotypique, de le socialiser, comme tu disais, qui prend racine à cette période-là. Et j'ai trouvé assez intéressante la définition de Roger Sanjak dans le dictionnaire d'anthropologie sociale et culturelle. Il disait que la race, en tant que pensée de la différence phénotypique et culturelle, je rajouterais, puisque j'ai montré à quel point ils étaient liés, était spécifique à la période coloniale et à ce qui a suivi, parce que il existe d'autres formes d'ethnocentrisme local qui ne théorisent pas sur l'ensemble de l'humanité et qui ne sont pas forcément aussi absolues et héréditaires. Donc pour moi, c'est vraiment qu'on retrace la généalogie du concept, de la notion plutôt, quand elle apparaît historiquement, comment elle est utilisée, quels sont les effets actuels qu'elle peut avoir aujourd'hui. C'est là que je trouve pertinent de parler de race entre guillemets comme catégorie que j'utilise moi pour parler de ce type de phénomène-là. Enfin, épistémologiquement, ce serait que historiquement, il y a une manière de symboliser, de socialiser la différence phénotypique qui a des effets aujourd'hui. Donc pour parler de ça en particulier, je vais utiliser la notion de race entre guillemets, même si je ne suis pas sûr qu'ils soient... Je pense qu'ils sont utiles, les guillemets, seulement pour souligner qu'on ne parle pas de race au sens biologique. Voilà. Et ensuite, est-ce que les gens parlent de race? Oh oui, ma grand-mère énormément. mais les gens parlent beaucoup plus peut-être de racisme que de race. Et c'est ce qui m'a... C'est pour ça que j'ai seulement utilisé le mot race pour parler de ça, mais pour parler des rapports intergroupes, j'en discutais avec Myriam Cotias, c'est peut-être plus là, dans les tensions, les conflits, etc., que j'utiliserais le mot racisme, parce que lui, en revanche, est souvent utilisé. Nègre raciste, Zadien raciste, tout le monde raciste. Les gens, ils me le disent. J'ai des retranscriptions d'entretien où les gens, voilà, sur de longs paragraphes, m'expliquent à quel point le racisme est fort et qu'il vient de tous les côtés. En fait, j'ai une question bête, je voulais la poser au début, c'est pas grave, c'est les, elle est bête, mais parce que tu demandes aux gens ce qu'ils entendent par race quand ils l'emploient, du coup, par racisme, parce que autant peut-être de définitions différentes. Alors, comme j'ai dit, ils utilisent peu souvent le terme de race. Quand je parlais de ma grand-mère, forcément, c'était. Je ne l'ai pas interviewée avec la technique d'entretien semi-directif. quand ils disent racisme, ça me semble assez clair en général. Ils disent, ouais, je vais le traduire, d'accord. Moi, j'étais amoureuse d'un nègre, je me suis mariée avec, mon père n'était pas content, etc. Ah oui, parce que tu sais, à l'époque, les Indiens étaient racistes et les Noirs étaient racistes. Donc c'est la conclusion. Les gens veulent pas qu'ils épousent. Par exemple, les Blancs créoles, ils veulent pas épouser des Noirs, donc ils sont racistes. Ça vient en général comme ça dans le discours. Il y a une seule personne... Qui a de lui-même théorisé la notion de race, qui est philosophe, je donne trop d'éléments, ça va permettre de l'identifier. mais qui, en tout cas, de lui-même a théorisé la question de race pour légitimer l'emploi de la notion de race et pour dire à quel point il n'est pas d'accord avec Victorin Lurel. Justement, et le Parti Socialiste. Et je pense que c'est intéressant le débat que les gens ont eu sur « mais je croyais qu'il n'y avait pas de race » parce que justement, ça montre tout le malaise qu'il y a autour de ça dans l'univers francophone. Enfin, français, plutôt. Français au sens large, français au sens carte d'identité, donc incluant également la Guadeloupe et la Martinique. C'était un Allemand, en l'occurrence, hein, qui me faisait... Ah oui. Mais il est au courant. Oui, bien sûr. Un Allemand bien intégré. Voilà. Bien de chez intégré. Nous. Est-ce qu'il y aurait d'autres... D'autres questions ou réflexions? Épuisé de votre côté. Enfin, on n'est pas épuisé. Les questions sont épuisées. Juste peut-être quelques petits éléments qui peuvent peut-être là aussi te donner un éclairage comparatiste par rapport à la Martinique. On est en ce moment avec Joël Camille et moi sur un projet de recherche sur les béquets, mais uniquement sur cette notion de frontière et aussi comment les béquets ont été complètement, pour le coup, ethnicisés. Durant le mouvement de 2009 en Martinique. Et du coup, quand tu en parlais tout à l'heure du côté guadeloupéen, ça fait aussi des échos par rapport à ce que nous, on a pu trouver ici. Alors nous, on a fait une analyse de la presse en 2009, on a travaillé sur les blogs aussi qui ont été très prolixes en 2009, et puis aussi donc, des entretiens, et on poursuit en ce moment les entretiens. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des différences un peu entre ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe. Bon, ce qui peut aussi peut-être s'expliquer tout simplement du point de vue historique. Hein. Ils ont gardé leur assise en Martinique, alors qu'en Guadeloupe, bon, ils sont partis au moment de la Révolution. Et puis ensuite, des béquets martiniquais sont partis en Guadeloupe aussi pour travailler et s'installer. Nous, ce qu'on a pu mettre un petit peu en évidence, c'est que, contrairement à ce que toi tu disais, on sent qu'il y a. Alors peut-être que ce n'est pas à 100% du côté des béquets, ça j'en sais rien, hein, il faudrait vraiment refaire une véritable monographie en profondeur pour avoir des éléments. Nous, on a trouvé des pistes, et on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de. reconnaissons de leur rôle historique. Et quand tu disais qu'en Guadeloupe, ils n'aiment pas quand on leur dit que leur richesse serait issue de la plantation et de l'esclavage, nous, il nous a semblé qu'ici, il y avait une sorte de constat. Ok, on a fait partie de cette histoire-là, mais on sent qu'il y a du changement dans le repositionnement social. C'est, on a fait partie de cette histoire qui était monstrueuse, mais aujourd'hui, on veut apprendre à vivre ensemble. Tu vois, et c'est vraiment des éléments qu'on a en tout cas dans les entretiens, qu'on a trouvé dans la presse, parce qu'en 2009, des Béquets ont pris la parole dans la presse, ce qui était extrêmement rare. Et dans tous les articles publiés par les Béquets, c'est ok, l'histoire, on ne peut pas l'oublier, mais maintenant il faut construire ensemble, réorganiser les rapports sociaux. Et là, par contre, un autre élément qui est très comparable à ce que tu disais, quand on fait des entretiens avec des chefs d'entreprise béquets, on sent qu'il y a vraiment là une sorte de légitimation de leur groupe à travers le rôle économique joué pour le développement de la Martinique. Et ça, c'est presque récurrent tous les entretiens de chefs d'entreprise. C'est, on a un rôle essentiel aujourd'hui pour le développement de la Martinique. Ça veut bien dire qu'ils sont dans une, tu vois, dans une dimension d'avenir, de prospective, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'à la fois, il y a des choses similaires avec ce que tu disais, et puis en même temps, des oui. points divergents, quoi. Oui, mais c'est très intéressant parce que moi, ce qui m'a frappé dans tous les entretiens que j'ai eus avec les Blancs Créoles, c'était tous, ils étaient tous entrepreneurs. Certains d'entre eux, l'un d'entre eux était un béquet guadeloupéanisé, qui tenait d'ailleurs lui-même un discours essentialisant la différence entre guadeloupéens, dont il s'incluait aux guadeloupéens et martiniquais, et un autre qui était en fait béquet qui travaille en Guadeloupe, mais qui est béquet, c'est-à-dire martiniquais. Donc c'était assez intéressant d'avoir la comparaison. Ils savent du coup. Je pense qu'il y a des phénomènes de métissage aussi, puisque Sylvie Ayotte, sa mère n'est pas martiniquaise, elle est guadeloupéenne et elle a grandi en Guadeloupe. Du coup, ils savent ce qui se fait à la Martinique. Certains m'ont parlé de tous créoles. Ils disaient oui, il y a des choses qui commencent à se faire à la Martinique, ça bouge à ce niveau-là, comme si c'était plus avancé quelque part à la Martinique qu'à la Guadeloupe. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout, ils ont une grande réflexivité justement sur l'histoire et la différence entre eux, Guadeloupéen, il est martiniquais. Il parle de la Révolution, il parle... voilà, il y a une forte conscience et ça m'a quand même pas mal marqué. Et cette idée de légitimation par le rôle dans l'histoire, je l'ai retrouvée, moi, dans le texte d'Arlette Pauvert Blandin-Pauvert, d'écorcher son nom, qui est sorti dans les années 80. Oui, il y a déjà, et que je retrouve aussi chez Edith Kovacs, c'est-à-dire que c'est nous qui avons mis en valeur les terres, quelque part. Donc c'est plus par rapport, dans une dimension passée, et pas forcément dans... Mais oui, et dans ce que... Pardon, mais les idées viennent un petit peu en désordre, mais par rapport à la question économique, il y a aussi effectivement l'idée qu'ils sont plus guadeloupéens, ils sont plus nationalistes que les nationalistes, puisque eux travaillent pour leur pays. Beaucoup ont fait ce renversement sémantique-là. Peut-être que je suis plus nationaliste que vous, parce que moi, au moins, je travaille pour le pays. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et il y a une anecdote dont je parlais tout à l'heure concernant les Blancs Créoles. Il y a un homme donc, que j'ai interviewé, dont le père est Blanc Créole et la mère de couleur, entre guillemets, pour reprendre un vocabulaire colonial, qui me disait que son père, malgré... le fait qu'il ait souhaité épouser sa mère, aller jusqu'au bout de l'idylle avec la mère et non pas la traiter comme une maîtresse, lui avait dit un jour « N'oublie jamais que tu es un descendant de colons ». Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça vient problématiser la dimension plus ethnique de la définition du groupe blanc-créole qui est distinct des blancs hexagonaux et des autres blancs, mais qui peut, dans une certaine mesure, finalement, inclure les éléments métissés au groupe. Voilà. Et un autre élément qui me semble aussi très convergent avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que nous, dans les discours, en tout cas ce qu'on a pu recueillir ici, c'est vraiment un sentiment de devoir servir de bouc émissaire, ah oui. Tu vois, par rapport à une problématique de racisme. Et bon, il y a eu l'affaire des pointes, hein, bien sûr, en Martinique. Et en tout cas, ça, c'est assez fréquent dans les discours. En gros, on paye le prix pour tout le monde, quoi. Oui, et il me disait... Enfin, je veux dire, vraiment, rapidement. Oui, mais il me disait, vous ne faites pas un coup à la Canal+, hein. Quand je les interviewais, il me le disait. Et il disait, et il y en a une qui a refusé de me parler, qui m'a dit, d'ailleurs je ne parlais qu'à des hommes, il y en a une qui m'a dit, non, tout ce qu'on dit est toujours déformé. Et ça, ça revenait souvent. On ne parle plus parce que dès qu'on dit quelque chose, c'est déformé, on le retourne contre nous, donc on a fait la décision de ne plus parler. Et ceux qui acceptaient disaient, ne me faites pas un coup à la Canal+. Donc il y a ce... Ah mais nous, on a eu énormément de mal à faire des entretiens. Je veux dire, ils ont pris la parole en 2009 et là maintenant, c'est du mutisme. Ils ont peur, ils ont vraiment le sentiment que leur parole a été systématiquement instrumentalisée, détournée. Et c'est très difficile de faire des entretiens aujourd'hui. Nous, on a des personnes qui ont refusé d'être enregistrées. Et il faut chaque fois recadrer les choses en disant bien que, d'un point de vue anthropologique, les entretiens sont absolument anonymes, etc. Et chaque fois, moi j'insiste lourdement sur la méthodologie anthropo pour essayer de les rassurer, mais je crois qu'ils ont peur, ils ont absolument peur. Et le travers... Dans l'espace public, je dirais, mais après, voilà. Le travers, c'est que du coup, ceux qui acceptent, pour ma part, ils se positionnent comme leaders d'opinion. Ils me le disent, moi je suis un leader d'opinion, et eux, visiblement, peuvent être... Enfin, je ne citerai pas tout le temps leur nom, mais ils semblent parler en tant que... Enfin, ils semblent se donner une posture de porte-parole quelque part pour vouloir faire changer les choses, dénoncer ce qui ne va pas, dénoncer ce qu'ils analysent comme un racisme à l'envers. On dirait qu'ils sont dans une posture de « je le fais parce que les autres ne peuvent pas le faire à ma place » ou ne veulent pas le faire à ma place. Et nous, c'est tout le contraire. Et nous, c'est tout le contraire. C'est à chaque fois qu'on rencontre un béquet, c'est « attention, je ne suis représentative de rien du tout », y compris des leaders d'associations, etc. C'est intéressant. Du coup, c'est vraiment « c'est moi l'individu qui parle et ça n'engage que moi et pas eux ». Et je ne peux pas savoir ce qui se passe dans le monde. C'est qu'en même temps une manière aussi de se distancier de son appartement, son groupe. Quoi. C'est ambigu. Oui, je souscris totalement ce que vous avez dit, et d'autant plus que vous faites synthétiquement les choses, c'est pas parce que je n'en veux dire non. Parce qu'il ne s'agit pas comme ça de parole en l'air. Hein. Vous allez à la rencontre, vous prenez des notes, vous prenez des gens, vous expliquez. Non, mais je veux dire que la grande. L'affaire ici, c'est un peu Bernard Ayou, avec son travail de mécénat, je crois, qui, petit à petit, en quelque sorte, conduit tout le clan des dans la circonspection aussi, parce que quand on a écouté les motivités très fortes ici, quoi, hein, beaucoup de choses. Et donc, je crois que c'est très important. Et vous avez fait, tu as mentionné Tous Créoles, par exemple. Hein. C'est une association qui s'est constituée justement dans un souci, en quelque sorte, sociétal. Et cette association avance à petits pas, à pas compter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi des adversaires résolus, quoi, hein, par rapport à ce que de l'épinière a appelé une amorce de dialogue. Voilà. Lisez la France Antille de hier, hein, vous allez voir, il y a eu deux articles de l'équipe à propos de l'exposition, n'est-ce pas, qui a été dans le vernissage à la présence de Victor Muren. Donc, c'est une exposition quand même très intéressante. Enfin, nous nous sommes trouvés. Et c'est une entreprise que depuis 4 ou 5 ans, conduit mois par mois. C'est à l'espace. Clément, et comme c'est un peu le patron de la sorte des métiers, eh bien, toute la masse est à l'écoute et avance plus d'avant. Et l'association Tous Créoles essaie aussi de porter un discours apaisant, sociétalement apaisant, et il y a d'énormes. Enfin, il y a quelques difficultés à travers justement. J'ai juste une question. Tout à l'heure, tu parlais de rouge. Tu définis qui en Guadeloupe par rouge ? Ce sont justement ce qu'ils disaient et qu'on avait énormément de mal à voir la différence. C'est qu'il y a des gens qui sont juste clairs de peau, un peu clairs de peau, et il y a des gens qui sont chabins. Et les chabins. Donc c'est intermédiaire alors. Voilà. Chabins, je... c'est des roux, des chamois. Non, les rouges, les personnes qu'on dit identifient rouge, c'est qu'elle est un peu claire de peau. Elle n'est pas encore chabine, mais elle est un peu claire de peau. Il rouge. Ça avait l'air compliqué de toute façon. Mais je peux vous donner aussi une expression très belle. L'excuse est reprise. Mais pour conclure, je peux vous donner une expression que j'ai entendue chez moi aussi. On va conclure avec une expression guadeloupéenne. Qui m'a beaucoup fait rire. Comme on ne sait pas très bien la distinction entre rouge, chabin, mulâtre, j'ai entendu quelqu'un de ma famille dire « Mais oui, on chabin qui a couru à 6 mulâtres. » Donc un chabin qui court sur le mulâtre. Et je fais ça poétique. C'est comme l'expression « chapé couli voilà. » qu'on utilise par exemple en Martinique, « chapé couli ». Donc j'ai trouvé ça assez poétiquement triste. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie Harry d'avoir participé à la